L'homme aux abeilles. L'homme aux abeilles prend soin des abeilles. Il aime les abeilles. Il y a des abeilles dans son jardin et dans sa maison. Le samedi, l'homme aux abeilles ouvre son agenda. Bien, dit-il. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je reste ici. Le téléphone sonne. À l'aide, il y a des abeilles dans mes chaussures. À l'aide, il y a des abeilles dans mes chapeaux. À l'aide, il y a des abeilles dans mon pain. À l'aide, il y a des abeilles dans ma cuisine. L'homme aux abeilles va chercher les abeilles. Abeille, petite abeille, dit-il, venez avec moi. Merci, merci, merci. Les abeilles entrent dans la maison de l'homme aux abeilles. Les abeilles sont heureuses, dit l'homme aux abeilles. L'homme aux abeilles s'assoit dans son fauteuil. Il s'endort. Le téléphone sonne encore. Allez, il y a des abeilles dans mon lit. Je ne viens pas, dit l'homme aux abeilles. Faites comme moi, dormez dans un fauteuil.